encore un petit arbre qu'on voulait m'enseigner racines et plein d'idées dans le marbre pour emprisonner mes racines. C'était au temps du vieux chêne, la télé n'avait que deux chaînes. C'était au temps du vieux chêne, la télé n'avait que deux chaînes. Je n'étais qu'un petit arbuste, je devais étudier Rameau et incliner devant son buste. Mais encore jeune Rameau, avant sous les pavés la plage, il fallait gagner une image. Avant sous les pavés la plage, il fallait gagner une image. Je n'étais qu'un petit arbrisseau, quand s'emparait déjà de mes branches, pour pas traîner dans le ruisseau, je devais étudier Malebranche. C'était au temps du carré blanc, de la télé en noir et blanc. C'était au temps du carré blanc, de la télé en noir et blanc. Aujourd'hui je suis un vieil arbre, j'ai retenu surtout du tronc. Et avant que ma mémoire se délabre, je chantonne sur tous les tons. Les chansons de le forestier, avant l'œuvre du forestier. Les chansons de le forestier, avant l'œuvre du forestier. Yeah, yeah.